Chapitre 18e. La lettre par laquelle le marquis annonçait son arrivée à Rudemont avait produit un grand émoi au château. Que le marquis revînt, cela était naturel. Mais il disait qu'il serait accompagné d'une jeune fille, sa pupille, et de l'institutrice de celle-ci. Il donnait ordre aussi de préparer les appartements du château au-dessus des siens. Qu'est-ce que cela signifiait? Quelle était cette jeune fille? C'est cette Denise dont parlait la lettre, avait dit M. de Carquebus. La fille de cette ancienne maîtresse qui écrivait au marquis. C'est pour elle que je me tourmente, c'est pour elle que je parle. Cela est bien évident, et il n'est pas nécessaire d'être devin pour arriver à cette conclusion. Il n'en est pas moins vrai que pour arriver à cette conclusion, il faut avoir lu cette lettre, mais ce n'est pas toi qui l'as lue. Madame Hérault ne trouva pas à propos de récriminer, touchant la lecture de cette lettre. Que cette jeune fille soit la Denise en question, cela ne fait pas de doute, dit-elle. Mais ce qu'il importe de connaître, ce sont les liens qui attachent cette Denise au marquis. Tu peux dire qu'elle est sa fille. Monsieur mon frère, ne prends pas tes grands airs et franchement avoue tes craintes. Tu as peur que cet enfant ne soit la fille du marquis, pourquoi ne pas le dire? Parce que je ne dis que ce que je sais, et cela je l'ignore. Est-ce que s'il n'était pas sa fille, il l'amènerait ici? Est-ce qu'il lui donnerait l'appartement du premier, le plus beau du château, celui qu'il m'a refusé, à moi, son cousin, son héritier? C'est sa fille, je te dis que c'est sa fille. Je n'en sais rien. Mais si je me souviens bien des termes de cette lettre, que vous avez lue malgré moi, il disait que le marquis et cette Emma Lagelet, son ancienne maîtresse, ne s'étaient pas vus depuis 10 ans. Or, on ne reste pas 10 ans sans voir une femme quand on a un enfant. Quand cette femme est vieille, ce que vous dites là est cynique, mais je ne m'y arrête pas, et je poursuis mon raisonnement. D'un autre côté, cette Emma Lagelet dit toujours dans cette même lettre qu'elle se tourmente pour sa fille. Or, si cette fille avait été l'enfant du marquis, sa mère n'aurait pas eu à se tourmenter pour elle. Ayant été la maîtresse du marquis, elle devait le connaître, et par conséquent, savoir très bien, comme il est facilement prenable par les choses de sentiment. Un pauvre homme. On n'est point un pauvre homme parce qu'on se laisse prendre par le cœur. Un niais, un jobard, qu'on dupe avec de belles paroles. Quelle confiance dans notre position ici pouvons-nous avoir en un pareil caractère? C'est là une situation intolérable. Pas un moment de tranquillité, toujours sur le qui-vive, et comme si ce n'était pas assez de toutes nos inquiétudes, maintenant nous allons avoir à nous défendre contre cette petite peste qui nous arrive de Paris. Parisienne, fille de comédienne, ça va être une langue dorée, une enjôleuse. Si Rudemont n'était pas en jeu, j'en verrais joli tout promener, j'en ai assez à la fin. S'emporter n'a jamais mené à rien. Je me fiche pas mal de ta prudence, mais prends-tu pour un clampin par hasard? On peut répéter mes paroles de marquis, si l'on veut, je les lui dirai moi-même. Rudemont nous a été volé. Au lieu de le réclamer en vertu de nos droits et de continuer les procès de notre père, nous avons la bonté de vivre ici en paix avec le marquis. C'est bien le moins, il me semble, que de son côté, il nous donne cette paix. Et je dis qu'il ne nous la donne pas, et je me plains, et voilà. Quant à cette petite, il faudra voir. Ce qu'il faudrait voir tout d'abord, ce sont les liens qui attachent cet enfant au marquis. Sa fille, parbleu! Sa fille, c'est possible, mais ce n'est pas prouvé. Si cet enfant n'est pas la fille du marquis, il peut l'adopter. Alors elle devient sa fille, et elle a sur sa succession les mêmes droits que ceux qui auraient un enfant né en mariage. Si au contraire, elle est sa fille, elle ne sera jamais qu'une bâtarde. Oui, mais s'il l'a reconnue, ou si plus tard il la reconnaît, elle devient capable de lui succéder. La loi est là. En sa qualité de veuve de magistrat, Madame Hérault parlait beaucoup de la loi, et à vrai dire, elle en parlait avec intelligence. Elle l'avait fait du code d'une étude plus sérieuse qu'il n'appartient ordinairement aux femmes, et sur le titre des successions, elle eût pu soutenir une discussion avec un homme d'affaires. À ce mot, la loi, M. de Carquebus resta embarrassé, ce qui d'ailleurs lui arrivait souvent dans ses conversations avec sa sœur. Toujours grincheux, toujours violent, il ne pouvait pas se faire aux manières prudentes, aux paroles posées de sa sœur, et après quelques minutes de discussion, il s'exaspérait, la colère l'emportait, et il disait tout ce qui lui passait par la tête, même ce que plus calme, il l'eût voulu tenir caché. « À quoi pensez-vous ? » demanda Madame Hérault après un moment de silence. « À nous débarrasser de cette fille, et comment cela ? En lui rendant la vie insupportable ici, elle s'en irait. Et si elle ne s'en allait pas, si c'était celui qui lui rend la vie insupportable qui partait ? » Monsieur de Carquebus se mit à sourire et tortillant sa moustache rousse en se balançant d'un air dégagé. « Il y aurait bien encore un moyen. Lequel ? Ce serait de prendre la fille pour soi. » Avec elle, on aurait tout. Madame Hérault leva les bras au ciel dans un mouvement d'indignation. Vous êtes fou! Comment pouvez-vous croire que le marquis aurait donné un enfant à un homme de votre âge? Dame, on pourrait l'y forcer. mais c'est une enfant. Un enfant, entendez-vous? 15 ans, 16 ans, de plus jeune qu'elle, se sont laissés prendre. Oh, monsieur, et c'est mon frère qui parle ainsi. C'est indigne. Vous pouvez croire que le marquis consentirait jamais à donner sa fille, une fille de 16 ans, un homme de 58 ans. C'est de la folie, je vous dis que c'est de la folie. Mais ce qui ne serait pas de la folie, n'est-ce pas? Cria-t-il en frappant un formidable coup de poing sur la table. Ce serait qu'il la donna, cette fille de 16 ans, à un joli cœur de 26, à monsieur mon neveu, par exemple, à ton grand nigaud de fils. Au mouvement involontaire qui échappa à madame Mérot, il fut évident qu'elle avait été atteinte par cette réplique, assénée comme le coup de poing qui avait ébranlé la table. Je vois dans ton jeu, s'écria-t-il en poursuivant, cette bâtarde, tu la trouves bonne pour ton fils, et alors il aurait tout l'héritage, n'est-ce pas? Et moi? Ah, mille tonnerres! Ça ne sera pas, je le jure. Et quand je devrais brûler le château, éventrer la fille et casser les reins à ton fils, je te dis que ça ne sera pas. Si c'est la guerre, ce sera la guerre, et vous verrez tous comment je la fais. » Sur cette menace, donnant un violent coup de pied dans la porte, il était sorti, le visage empourpré, les veines du front et du cou gonflées comme si elles allaient crever, tout le corps secoué par le tremblement de la fureur.